bientôt pile 14h et voici tout simplement deux nouveautés avant de commencer l'émission. For the hottest R&B instrumentals, you gotta holler at Robin Wetley Productions. Placer ta paire de fesses pour soigner mes cicatrices. Elle est bien plus belle que toi, elle a cédé à mes caprices. Moi je veux tout oublier, et je veux tout oublier. Moi je veux tout oublier, eh. Je me rappelle plus de tes mimiques, de tes manières, de tes désirs, de ton envie de découvrir tout ce qu'on peut faire dans un lit. Dans un lit, oh. Je me console, j'suis plus bonne que toi. J'ai effacé l'image de nos draps. Tu n'auras pas raison de moi. Ta mère le sait, t'es une mentirosa. Moi je veux t'oublier. Tout ça c'est difficile pour moi. Et je t'ai tout donné. T'es parti avec un bout de moi. Moi je l'ai trouvé. Il a compris ce qui compte pour moi. Il m'a tout donné. Je suis moi pour le reste, on verra. Bébé, tu me connais, j'aurais tout fait pour toi. T'aurais eu ce que tu voulais, me demande pas pourquoi. Tu sais, l'amour c'est beau, même si parfois c'est compliqué. Nos cœurs nous font défaut et la haine vient s'y convier. La routine prend le dessus entre nous, c'est pas clair. On cherche réponse aux questions, mais que faire? On se prend la tête, ça gronde, des flingues, un éclair. Au final, je me rends compte que ça date pas d'hier. C'est pas demain la veille qu'on va se réparer. Coupe le gaz, et je pensais être gaz, et tu m'as délaissé. Séparé pour de bon, c'est bon, c'en est assez. J'aurais tout essayé, faut se le dire, on était passé. Je retiens mes larmes et une seule me donne la force. Depuis que tu m'as zappé, elle a pris ta place en force. Elle a su faire de mes jours un cocon bien douillé. Pendant que toi t'es là, en train de cogiter. Moi je veux t'oublier. Tout ça c'est difficile pour moi. Et je t'ai tout donné. T'es parti avec un bout de moi. Moi je l'ai trouvé. Il a compris ce qui compte pour moi. Il m'a tout donné. Je suis moi pour le reste, on verra. Moi je vais t'oublier. Tout ça c'est difficile pour moi. Et je t'ai tout donné. T'es parti avec un bout de moi. Et moi je l'ai trouvé. Elle a compris ce qui compte pour moi. Moi elle m'a tout donné. Juste elle et moi le reste on verra. Je veux t'oublier. Tout ça c'est difficile pour moi. Et je t'ai tout donné. Arc-en-ciel. Moi je l'ai trouvé. Il a compris ce qui compte pour moi. Il m'a tout donné. Je suis moi pour le reste on verra. Moi je veux t'oublier. Tout ça c'est difficile pour moi. Tu as compris ce qui compte pour moi. Tu m'as tout donné. Je suis moi pour le reste, on verra. Ici, ici j'ai connu la nuit. J'ai reçu la pluie. L'oubli. Ici, ici j'ai déjà aimé, même détesté, au-delà du bien. Tout recommencer.

avec déjà le premier, c'était avec Cédric Collin, et puis juste après une nouveauté de Lily Harmony. Voilà, donc bonjour à tous. Donc je redis bonjour à tous et à toutes, mais bonjour tout simplement à Brice et puis à Romain. Voilà. Oui, bonsoir. Vas-y. D'accord. Donc on va commencer avec France Gall et Kenza. D'accord. Après qu'on se parle ensemble déjà directement. Brice, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas non, grave. Ça se voit que c'est le direct. Voilà, voilà, c'est ça. Exactement. Bonjour à vous tous, bonjour à tous les auditeurs et puis à tout le monde hein, avec ce beau soleil. Oui, mais un petit peu fraîcheur ce matin. Ah, c'est logique. C'est logique, le temps qui arrive. Ça y est, ça arrive l'hiver. Doucement, doucement. Attends, non, avant l'hiver, il y a l'automne. Oui, il y a l'automne. Voilà, automne, hiver, printemps, été. Ah oui, j'ai oublié les quatre saisons. Ah voilà, et ben, il y a un chanteur qui chante ça, les quatre saisons. Eh oui. C'est qui? Oh, je m'en rappelle. C'est Jean Ferrat. Jean Ferrat, voilà. Et voilà. Et oui, mais toi, tu écoutes pas vraiment les chansons, toi. Le temps que je réagisse un petit peu. Mais bon, voilà, on a le soleil déjà, c'est bien. C'est déjà pas mal hein, pour tout le monde et pour la rentrée des classes, hein, quand même. Hein. Et la musique ensemble aussi. Voilà. Voilà. Donc, eh ben, on va débuter donc, avec les chansons tout à l'heure qu'on a écoutées et la suite avec, ben, on va laisser tout simplement Romain, parce qu'il va nous dire. Non, Damien. Pourquoi fois. Romain Je sais pas. C'est pas Romain, c'est Damien. Oui. Bonjour Damien, ça va? Bonjour, ça va, ça va. Bon alors, ça fait un petit moment qu'on t'a pas entendu. Ouais. D'accord. Et ben annonce tes titres s'il te plaît, puis après on se retrouve juste après. On va commencer avec France Gall et Kenza. D'accord. Et ben merci bien. Et merci. Donc on laisse cette musique. Je suis née ici. Pas un Memphis. Je suis de Paris. Pas de Paris. J'ai jamais connu Cap Calloway. J'ai jamais rien produit sur Broadway. Je connais pas si, pas Albany. Je suis pas Yankee, t'es un Titi. Moi je suis pas pour les cocoricos. Mais y'a aussi les mauvais dans l'Ohio. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Je veux faire un show. Je demande pas mieux. Mais du nouveau. C'est tout ce que je veux. Mais je veux pas copier Ginger Rogers. Pourquoi toujours America First? West Side Story. C'est bien fini. Les parapluies. C'était joli. Mais je veux faire quelque chose à moi. Faudra travailler mais pourquoi pas. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Les claquettes c'est plus de notre époque. La métro Goldwyn-Mayer, c'est plus la meilleure. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Ça balance aussi. Depuis que t'es parti, je pense à toi souvent. Il traîne dans mon cœur une douleur immense. Je perçois ta présence au détour du silence. Et rien n'arrêtera le cours de mon tourment. Depuis que t'es parti, là-bas dans l'autre monde, je revois ton sourire et ton combat sans fin contre la maladie, et ce n'est pas en vain. Ton courage a lutté devant la mauvaise onde. chanson, tu aimais le soleil et tant d'autres merveilles, tu rêvais d'horizon. Mais Léonie, dis-moi que ce n'est pas fini, que ce n'est pas fini. Mais dis-moi Léonie, emporté par l'horizon, y a-t-il un mot plus fort pour le dire autrement? Je voudrais le combattre et enfin trouver l'arme, car cette infâme intrus, je veux qu'on le désarme. Tu aimais les chansons, tu aimais le soleil et tant d'autres merveilles, tu rêvais d'horizons. Una paloma una vez me dijo que no la dejara volar, que la llevara a ver la puesta del sol a la orilla del mar, que le acariciara la pluma cada vez que se quisiera acabar, que ella por siempre y para siempre de mi mano pan puede picar. Una paloma que ni donde aquí. Dime, señorita, Una paloma qui brille dans tes yeux, un arc-en-ciel en toi me fait perdre la paix. Una paloma qui brille dans ton cœur, réveille en moi la joie, le bonheur de t'aimer. Una paloma qui brille dans tes yeux, un arc-en-ciel en toi me fait perdre la paix. Una paloma qui brille dans ton cœur, réveille en moi la joie, le bonheur de t'aimer. Dos, tres. Voici tout simplement, il s'appelle Régis Fléchot. I know

C'était magnifique, notre tour ce matin. Ouh, dans sa boule anthracite se reflétait soudain. Notre tour ce matin. Elle est dressée puissante au-dessus de Berlin. Retour ce matin, sa boule aux mille facettes étincelait enfin. Donc il y a un Brice Romain et puis donc quand même voici les sorties d'autres ce qu'on voit qu'on a choisi. Damien. Non, c'est Romain, tu m'as dit. Non, c'est Damien. Voilà. Damien. D'accord. Voilà donc je te laisse. Allons-y pour les sorties et oui. Et on rigole bien dans les studios, oui, hein. Heureusement. Ouais, c'est 100, tu vas me copier 100 fois Damien mais bon. Allons-y pour les sorties. Alors, à Orléans, le 49e salon du grenier à sel à Orléans, exposition et visite découverte. Du 6 au 15 septembre, du mardi au dimanche, de 14h à 18h. D'accord. Et d'autres, t'as encore une autre? Comme ça, ça fera deux comme ça? Ouais, pourquoi ouais. pas? Bah oui. Hein? Après, on va laisser à Romain. Damien. Allez, j'ai marqué. Parce que ça, c'est un titre, c'est un chanteur. C'est pour ça qu'il est juste après moi. Ah, d'accord. Non, c'est pour ça que j'ai mis ça. Alors, mercredi. Alors, mercredi, mais ça veut dire mercredi. Oui. Batch à Olivet, mercredi de 14h. Des enfants, les pieds dans le sable, animation et jeu de table. D'accord. Voilà, activité, le tout au sein d'une plage indoor de 1200 m² à Batch Valley. Un complète de sport. Voilà, c'est à Olivet. D'accord. Et tous les mercredis, c'est comme les enfants ils disent, mercredis. Ah, si tu crois? Eh oui, à Olivet, d'accord. Ouais. Voilà. Pour le moment, pour moi. D'accord. Et bon, on va laisser, comme on dit tout à l'heure, à Damien. Oh. Voilà. Il m'a marqué un point. Voilà. Ben, je te laisse, Damien. Vas-y. À moi. Oui, bien sûr. On t'écoute. À Chessy, le 27 au 29 septembre, festival de swing. Pâturage. Oui. Le signe de pâturage. Ah ouais, c'est le signe de pâturage. Ouais, exactement. Voilà. Ouais, moi, je l'ai devant moi, donc je sais pas. Donc, sais. Musique art d'art de la Loire. Voilà. Musique d'art de la Loire. Exactement. Voilà. Et c'est du gris. Hein? Et c'est du. Je l'ai déjà dit. C'est pas grave. Non, tu peux redire, c'est pas grave. Ah, du 27 au 29 septembre 2019. Hein. Et voilà. D'accord. Et bien, c'est bien. Et t'en as une autre? Alors, il doit en avoir une autre, hein, Damien. Eh bien, disons, en attendant qu'il cherche, voilà. Moi, j'ai tout simplement la balade de la Loire, en parlant qu'il parle du swing avec la musique. Eh bien, il y a la balade de la Loire au bord de l'Épinoche. C'est un embarquement au bord de l'Épinoche. Le capitaine rencontre tout simplement et nous pose aussi, vous pose des questions à lui. Donc, comme ça, vous pouvez savoir, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans aux alentours de la Loire, aussi dans l'Épinoche, tout ça. Après, ben, on peut discuter entre vous, tout simplement. Donc, ça se déroule tout simplement. Eh bien, déjà, le tarif, c'est 6,90 et pour enfants, 14 ans. Voilà. 14 ans. Donc, ça coûte 4,90. Oui, parce qu'il n'y a plus d'orage. Et donc, avec quelques prix différents entre adultes et enfants. D'accord. Bah, super, voilà. Ça. Et donc, bah, c'est ça. Donc, mais je n'ai pas la date précise, tout cela. Parce que j'ai tout simplement le balade de la Loire, mais je n'ai pas la date précise. Je pense que c'est le 14 et le 15, hein, je crois. Aussi, le week-end. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, exactement. 14 et 15, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais voilà. C'est ça, exactement, le 14 et le 15. Donc, balade au bord de l'Épinoche. Donc, vas-y, viens, je te laisse, Damien. C'est en train de bugger à mort, le téléphone. Ouais, il est en train de bugger, il me touche tous les coups. Donc, eh bien, on va continuer. Oui. La musique, voilà. Mais avant, tout simplement, il y a aussi au théâtre de la Tête Noire qui a une présentation de la saison 2020. C'est le jeudi 19 septembre à 19h30, tout simplement à Saran, donc avec l'ancien, tout simplement, route de Chartres qui est à Saran, 144 ancienne route où ça se déroule. Ouais. Voilà, donc on continue la musique. Voilà. Cerveza grande, no, una piña colada. 96.2. Après, voici On The Way, et puis juste après, ce sera Jeff Fiesta. We'll be right back. fait plus. Allez tout le monde en chœur, on crie l'amour. Ici c'est tous les jours dimanche. Je sais c'est comme ça, c'est fait pour. Tournée générale. Tournée générale. Everybody fait la fête. Everybody fait la fête. Yepa. Yeah. Allez bouge, bouge, bouge, bouge, bouge. Allez bouge. Bouge, bouge. Voici notamment le titre, c'est déjà la chanteuse s'appelle Isa et voici le titre Un jour tu es parti, et c'est une nouveauté d'elle. Au hasard, un jour on s'est aimé. Yeah. galère. Ah la la la la la la. C'est l'histoire du rat des villes, c'est l'histoire du rat des champs. Jim, c'est moi Jim, la terreur des papas du Mexique. C'est moi Jim, le gaucho virtuose du galop et le champion du lasso. Perrette, où allez-vous? Perrette, où allez-vous? Lui demandez tous les garçons d'un air polissant. Perrette, où allez-vous? Perrette, où allez-vous? Si vous allez au rendez-vous, méfiez-vous du loup. On m'appelle Robin des Bois, je m'en vais par les champs et les bois, et je chante ma joie par-dessus les toits. Je vous aime Marie-Suzon, le printemps nous prête le gazon. Quand on s'aime, il n'est besoin de maison. Va, toi le plus fier et le plus beau, Chiquito, Chiquito. Va, par les vallons et les coteaux, Chica Chiquito. Nous nous sommes connus un beau soir dans la rue, quand vous êtes venus à Honolulu. Et nous avons dansé la nuit sous les palmiers, qu'il faisait bon l'été à Honolulu. Là je vous ai donné notre premier baiser, mais jamais le dernier à Honolulu. Quand on s'est embrassé, la lune s'est cachée et tout s'est transformé à Honolulu. On a d'abord 16 ans, on y vient en tremblant, folie bergère. On prend un promenoir, on est mieux dans le noir, folie bergère. Puis on est tout ému, on voit des femmes nues, folie bergère. On prend un air blasé, on regarde à côté, folie bergère. Avec son tralala, son petit tralala, elle faisait tourner toutes les têtes. D'un coup de tralala, hop, elle faisait tralala, et chacun rêvait d'être dans ses bras. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, voilà ce qui arrive, mesdames. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, quand on a un petit tralala, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Belle de Cadix a des yeux de velours. La belle de Cadix vous invite à l'amour. Les cavaliers sont là, si dans la posada on apprend qu'elle danse. Et pour ses jolis yeux noirs, les hidalgos le soir viennent tenter la chance. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix ne veut pas d'un amant. Chica chica chica yai yai, chica chica chica yai yai, chica chica chica yai yai, ne veut pas d'un amant. Moi j'apporte l'amour de chez nous, et l'amour de chez nous il est fou. Oui l'amour de chez nous est si fou, qu'on en a le petit choc au premier coup. Argentine, Argentine, c'est l'amour qui va qui vient dans le pays. Argentine, Argentine, c'est l'amour qui va qui vient dans le pays. Bracelet à tes pieds qui se balancent, couleur. Dieu et t'es ange. Si tu fais comme le café, rien que m'énerver, rien que m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Couleur café, que j'aime ta couleur. L'amour

Si on roule vers le nord, on laissera notre décor se consumer alors. L'amour peut prendre froid. Si jamais on s'en sort, je te redirai une fois de plus alors que même s'il n'est pas à ce jour déjà mort, l'amour prendre l'air. Si tu veux changer de peau, referme bien la portière. L'amour peut prendre froid. Sers ton bonheur quand il vient. Écoute les murmures et l'élan des seins du fleuve rouge et mauve qui coule en nos seins, ses dangers, ses ravins. Pleure la lumière quand elle meurt, puis hurle sous la lune comme ça l'air de rien. Devant la nuit immense et jusqu'au matin, va toucher le lointain. Au-dessus de nous, dedans et tout autour, le miracle est partout, mon amour. Sauras-tu le voir? Au cœur de nos cœurs, au-delà des contours, le miracle est partout, mon amour. C'est à toi de le voir. La douleur quand elle brille, partage tes envies, tes jeux, tes prodiges. Le long de tes racines, ces voix qui grésillent, va défier tes vertiges. Brûle ton amour quand il brûle, fais feu de tout le bois dont tes bras disposent. Étonne-toi du fond de ta moindre cellule, n'oublie jamais les roses. Au-dessus de nous, dedans et tout autour, le miracle est partout, mon amour. Sauras-tu le voir? Au cœur de nos cœurs, au-delà des contours, le miracle est en nous, mon amour. C'est à toi de le voir. Au cœur de nos cœurs et dans le point du jour, le miracle est en nous, mon amour. C'est à toi de le voir. Au-dessus de nous, dedans et tout autour, lumière.

tout simplement Lélise et puis Lily Harmony. Le titre La Différence. Et puis juste après eux, ce sera tout simplement Chris Adam. La différence, celle qui dérange, une préférence, un état d'âme, une circonstance. Te confier aux copains.

plus à rien. Oh là là, et si l'on danse, une oublie, mais ça fait rien. Oh là là, c'est formidable, quand tu danses auprès de moi. Oh là là, j'ai de la chance, quand l'orchestre joue pour moi. Là, c'est le rétro, rétro, disco, sono décibel. Fais la vie belle, la danse c'est ta vie et tant pis si tu m'oublies, le rétro c'est la vie. Tu te fais la vie belle, la danse c'est ta vie et tant pis si tu oublies, le rétro c'est la vie. Deux orchestres le dimanche, pour le bal et le rétro. Deux orchestres et si l'on danse, et une musette disco rétro. On va chez Marc et Céline, y'a de la joie, de la bonne humeur. Au rétro de Baraqueville, le sourire et le rigueur. La vie c'est le rétro, rétro disco, solo décibel, tu te fais la vie belle. La danse c'est ta vie et tant pis si tu m'oublies, le rétro c'est la vie. Quand tu danses, tu ne penses plus à rien. Oh là là, ici on danse, tu m'oublies mais ça fait rien. Oh là là, c'est formidable, quand tu danses auprès de moi. Oh là là, j'ai de la chance, quand l'orchestre joue pour moi. La vie c'est le rétro, rétro disco, solo décibel, tu te fais la vie belle. La danse c'est ta vie et tant pis si tu m'oublies. Voici donc Nancy Oliver et puis suivi de Marie-Claire Buzy. It's time to love in your time. chambre. Journée nuage en état d'âme. Des journées glaces et dans le froid. Je ne sais plus en quoi je crois. Des journées libres d'enfance agile. Où le destin paraît facile. Le chapelet parfois me mord. Des journées Dieu de foi, de vœux. Dans un regard, un mot, un lieu. Des journées dialogue avec l'ange. Où je crois encore au mélange. Des journées claires et de rivière. Allonger dans la lumière. Des journées ici maintenant. Assises sur les ailes du temps. Des journées borgnes où je me cogne. Quand mes yeux ne voient que chagrin. Tu l'as, et puis juste après, on écoutera du country. Je marche à tâtons, hors de bidonville. Pas trois de un, pas devant l'autre. J'ai pas jeté la première pierre. J'ai juste oublié qui j'étais. Seras-tu là dans mes prières? Seras-tu là à me dire qui je suis vraiment? Tant de choses qu'on ne sait pas de nous. J'ai rien à seras-tu là dans mes prières? Seras-tu là à me dire qui je suis vraiment? Tant de choses qu'on ne sait pas, d'où nous vient la lumière? Je la Just a good old boy, never meaning no harm. Beats all, you never saw. Been in trouble with the law since the day they was born. Straight in the curves, yeah. Flattening the hills. Someday the mountain might get up, but the law never will. Making their way the only way they know how. That's just a little bit more than the law will allow. Just a little bit more than the law will allow. I'm a good old boy. You know my mama loved me. But she don't understand. They keep a showing my hands and not my face on TV.

t'as pris l'oubli. Ici, ici j'ai déjà aimé, même détesté. Au-delà du bien, pouvoir tout recommencer. C'est comme si un ange soudain me retenait les mains. J'ai regagné enfin la lumière. La certitude d'être forte et debout comme un instant de paix à travers les éclairs. Je suis du ciel et de la terre. Oh, oh, oh. Ici, ici j'ai vu la colère, mes peines se défaire, mes envies de bataille laissées aux chiens de paille. Enfin tout ressemble à la vie. C'est comme si un ange soudain me retenait les mains. J'ai regagné enfin la lumière. La certitude d'être forte et debout comme un instant de paix à travers les éclairs. Je suis du ciel et de la terre. Cette musique là, c'est qu'on va se quitter avec Zouk. Donc on va se retrouver prochainement. Donc eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à toutes.

After Job avec Francky, aujourd'hui de 17h à 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM.

tener de gusto un team. Solamente toco porque soy poker king. Solo tú por aquí, yo voy a prestar, solo le falta el mix. Dale mami que esta noche yo te invito, pa' que te vea que rico. Que no te atreves. Sigue ya, aplica, dile que nosotros somos los más finos. Chao. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM.